sans le vrai, une évidence. Dans mes souhaits, j'espère, mes émotions en fer. J'attends, je le sens, patience. Mes émotions en vert, mon endroit à l'envers. Peut-être que je m'éternise. C'est pour te dire que je t'aime. La tristesse a quitté mon cœur de verre. Vers le mien, tiens-le bien. Ma nouvelle lumière qui chasse l'hiver. J'ai juste envie que tu me serres. Merci d'avoir lu dans mon cœur de verre, de mer, mon âme entière, ma matière, mon être. Je t'aime, mon petit père. Se lamenter de si peu d'humour, pas d'amour, pas de regret, pas de saine, si peu d'humour. Sans cesse la même usine, la belle routine. On lise mon chevet dans notre nuit, la mine grimée après l'ensemencée. Sans cesse la même usine, la belle routine. Sans cesse la vallée. Sur ma lingerie fine, le fond mot sans fin, le fond mot sans fin. La lèvre collée, les mains liées, la même lueur. Mon âme entière, ma matière, mon être. Mon âme entière, ma matière, mon être. Que tu sentes en son odeur se matérialise. Le mot à mot dans ta bouche, le délice des mots de la langue, quand c'est son plaisir.